De ma vie, guide de ma vie, oh sens de ma vie, oh guide de ma vie. Au cabinet de l'avocat suprême, toujours nous fléchis devant son excellence adorable, monsieur le prince glorieux, lui qui s'est fait pécher pour que je sois son. C'est l'acte dont les ordonnances m'ont condamné. Colossiens 2, 14 à 15. Avec son épitoge, hors du commun, cloué sur des planches paradoxales, il a la possibilité de mener tout vers lui, Shiloh. Wapo mbatala maja mwende lumwanye. Wapo mbatala maja mwende lumwanye.